dans ma tête, une voix qui se plaint dans mon cœur, un désir de fermer mes grands yeux, qui ont déjà tout vu d'un monde dangereux, la tentation toujours de ne pas voir demain. Il y a dans la rue des gens qui crient, qui pleurent, moi la misère me tue, je préfère l'oublier. Je n'ai rien d'un héros, je ne peux rien arrêter, je souffre lâchement comme quelqu'un qui a peur. Tu n'es rien, la vie n'a pas de sens. Pour un homme perdu, sans bruit, sans existence, tu n'as pas le courage de tenter l'aventure. Il y a sur les lèvres d'une femme que j'aime un mouvement qui fait non, sans discours, sans raison. Il y a des blessures dont les coups sont profonds et qui n'ont d'horizon que l'amour qu'elle sème. Des gens combattent l'injustice et la faim, des gens lèvent le poing vers de brillants soleils, des gens vivent en couple, allant main dans la main, des gens meilleurs que moi, des gens qui m'émerveillent. Il y a dans ma tête de la contestation, mais elle vacille et meurt aussitôt apparue. Je devrais bientôt apaiser mes passions, j'adresse à la lune un dernier salut ému.